sais, la volonté et l'intelligence avancent. Puis quand t'en arrives à détruire les formes créées par le rayon pour ton initiation solaire, tu commences à arrêter ton initiation solaire. Tu commences à y mettre une fin à ton initiation solaire. Puis plus t'en arrives à pouvoir mettre une fin à ton initiation solaire, plus tu es dans l'intelligence et la volonté. Alors, si tu me demandes quand est-ce qu'un homme est intelligent, quand est-ce qu'un homme est dans la volonté, c'est quand il a réussi à mettre une fin à son initiation solaire. Tout le monde veut être initié solaire. Mais quand tu commences à être initié solaire, la première chose que tu veux, c'est d'en sortir. Pour être libre, pour être bien, pour être... Sans ça, tu vas être initié solaire pendant 20 ans. Puis tu vas souffrir pendant 20 ans. Ah! Vous autres, vous avez une chance. Parce que vous autres, vous avez quelqu'un pour vous expliquer comment ça marche. Moi, j'en avais pas de chance. Fait que tu comprends que quand t'es fusionné et qu'il te parle, c'est que tu parles au bel téléphone puis qu'il te dit telle chose, ben tu le prends pour du cash, tu le prends pour du cash, tu le prends pour du cash, tu le prends pour du cash. Mais éventuellement, Charlie, tu n'as plein de cul pour prendre pour du cash. Fait que c'est là que tu commences, c'est là que ça vient la grande rébellion. Puis là, t'en arrives à un point, puis là, tu mets hache dedans, c'est t'arrêtes ton initiation solaire. Autrement dit, t'arrêtes de souffrir. Puis tant que t'as pas la volonté et l'intelligence pour arrêter ton initiation solaire, tu souffres de ton initiation solaire. Si tu souffres de ton initiation solaire, tu peux pas être bien sur le plan matériel. Le plan matériel est assez dur comme il est là, avec toutes les conditions dans le monde, mais au moins, toi, t'en souffres pas parce que t'es en dehors de la forme, anyway. Mais ils sont mauditement intelligents, eux autres. Puis ils peuvent vous pogner par les sentiments. Ils peuvent vous pogner de n'importe quelle façon. Ils vont toujours vous pogner par votre point vert. Et moi, je sais, ils m'ont fait mettre 50 000 piastres en dette pour aider du monde. Des écœurants. Tu penses que ça change pas tes corps, ça? Va à la banque, va chercher 5 000 piastres, donne-les à lui. Je vais à la banque. Le gars, il disait, ben oui, t'es content, tout était ouvert, comprends-tu, ça marchait comme un. Ou lui, j'irais à la banque, j'aurais du trouble. Dans ce temps-là, ça s'ouvrait, tu sais. 50 000 piastres. Hey, c'est de l'argent. Mais quand t'es fusionné, tu peux pas faire autrement. Mais tu comprends en maudit, ben. Fait que ça change tes corps, puis éventuellement, ça t'amène à détruire. À cesser, à sortir complètement de l'initiation solaire, être dans l'intelligence et de la volonté. Après ça, tu peux parler à l'homme puis expliquer comment ça marche, l'initiation solaire. Mais avant ça, tu peux pas. Vous autres, quand vous. On parle. On dit, il y en a qui vont travailler, puis tard, ils vont faire des choses. Bah, bah, bah, bah. Là, il y en a qui s'imaginent tout de suite là, qui vont partir dans le monde, là, qui vont faire des choses. Faites bien attention. Ben attention, parce qu'on veut toujours faire quelque chose. On veut faire quelque chose. Puis ça, c'est parce qu'on n'a pas souffert. Quand on a souffert, on ne veut plus rien faire. On veut juste la paix. Moi, si je peux arrêter d'aller dans les séminaires, je te dis que je vais rester chez nous dans mon trou. Tu veux rien faire? Parce que tu n'as rien à faire. Ouais. T'es bien? Fait que s'ils veulent faire d'autres choses, ben qu'ils changent mes vibrations et qu'ils me mettent à un autre niveau d'énergie pour que au moins ce que je fais, c'est moins fatigant, c'est moins dur sur mon corps physique, ainsi de suite. Mais là, c'est parce que ça va bien, là, ce que je fais. Là, je suis avec du monde, le monde me comprenne, là, c'est le fun. Là. C'est comme un party pour moi. Mais ça n'a pas toujours été de même. Fait que ça, ils sont pas un cadeau. Ils sont mauditement intelligents. C'est pour ça que nous autres, quand on comprend la game, on devient bien intelligent. Puis personne ne comprend. Mais on se comprend. Quand tu te comprends, t'as pas besoin d'être compris. C'est quand tu te comprends pas que tu veux être compris. Quand tu te comprends, t'as pas besoin d'être compris. Il y a d'autres qui te comprennent. T'es chum. Peut-être que tu expliques, Bernard, L'initiation se termine au moment où tu as développé suffisamment l'intelligence et la volonté pour l'accomplir. Il n'y a pas de délai, il n'y a rien. Non. L'initiation va se terminer dans chacune de vos vies quand vous aurez la volonté et l'intelligence de la détruire, de l'éliminer. Ça peut prendre plus ou moins de temps. Ça peut prendre 2 ans, 5 ans, 10 ans. Mais il viendra un jour que vous mettrez terme à votre initiation personnellement, seul. Pas les autres qui vont vous aider. C'est vous autres que vous allez mettre la fin à votre initiation. Votre initiation ne devra pas durer des années de temps. Parce que vous n'êtes pas fusionné à l'affaire, vous n'êtes pas obligé, vous avez comme une sorte de choix. Est-ce que c'est... Hey, t'es curieux, c'est curieux. Elle est curieuse. Elle n'est pas curieuse. Je dis pas que c'est une curiosité, c'est, je dis que la question est curieuse. Ouais, ben, c'est... Moi, je vais dire une chose. Que les hommes veulent être fusionnés, ça c'est normal, ça fait partie de... Normal. Bon. Non, c'est pas une illusion, fusion. La fusion, c'est pas une illusion. Que l'homme veuille être fusionné, c'est pas une illusion. Ça fait partie du savoir de l'humanité, ça fait partie de l'évolution de l'humanité, ça fait partie de la conscience, de l'intelligence de l'homme. C'est correct. Mais, ce qui est une illusion, c'est-à-dire que ce qui fait partie du corps de désir, qui est une forme, qui est une illusion, c'est le désir d'être fusionné. Tu comprends? C'est le désir de comprendre. C'est pas le désir de l'être. Quand je comprends, c'est pas de la curiosité. Ouais, mais tu peux pas comprendre la fusion quand t'es pas dans la fusion. C'est quand t'es dans la fusion que tu comprends qu'est-ce que c'est la fusion. Mais le problème avec l'affaire de la fusion, c'est que d'abord, tous les hommes qui sont marqués pour la fusion vont vers la fusion parce que les mortels vont vers la fusion anyway. Fait que s'il y a du monde sur la Terre qui sont proches au niveau des probabilités de la fusion, c'est bien vous autres, parce que déjà, vous avez fait un acheminement dans cette direction-là. Mais, la fusion, le phénomène de la fusion, vécu par l'homme, va être vécu dans des conditions qui doivent être préparées. Puis c'est ça que vous vivez, que vous allez vivre pendant les années de temps. Parce que quand tu te conscientises avec eux autres, ta vie, la fusion... La fusion, c'est un état. La fusion, c'est un état de relation entre le rayon pis toi, qui grandit, puis qui grandit, puis qui grandit, puis qui grandit, puis qui grandit, puis qui grandit. Il y en a bien parmi vous autres qui sentent la fusion, qui sentent la vibration, qui sentent la présence du rayon. Vous autres, c'est de la fusion, ça. La fusion n'est pas instantanée, elle se fait graduellement, mais c'est de la fusion. Mais, c'est ça. Quand t'as bien souffert, là, de autres, là, t'es pas intéressé à leur crise de fusion. Elle va venir anyway, la fusion. Tu vas à paix. Pis c'est ça qu'on comprend pas. La paix. Moi, je vous le dis dans mes mots. Je vous dis d'une façon colorée. Moi, j'en connais du monde parmi vous autres qui vivent bien. Quand je dis qu'ils vivent bien, je veux dire qu'ils vivent bien. J'en connais. Il y en a bien plus que vous pensez. Il y en a ici dans la serre, ça. Je parle pas de Ménard et Croteau, là, les moineaux que je parle tout le temps. Il y en a du monde parmi vous autres qui vivent bien. Ils ne sont pas intéressés à la fusion. Ils vivent bien. Mais ils savent. Ils savent. Ils sont dans leur intelligence, ils sont dans leur volonté, puis ça marche par là, puis allez pas leur plier ses pieds parce que ça va... C'est ça que ça marche. On peut pas... Tu sais, j'ai déjà dit que l'homme, c'est pas une créature. Puis l'homme arrête d'être une créature quand il est dans l'intelligence, quand il est dans son intelligence puis sa volonté, quand il a cette affaire-là, t'arrêtes d'être une créature. Pis c'est là, à ce moment-là, que tu vibres au rayon. C'est là, qu'à ce moment-là, que tu vis, pis que tu as du plaisir de vivre. C'est là que la vie vaut la peine d'être vécue, parce qu'elle est réelle. puis elle devient de plus en plus réelle, puis de plus en plus réelle. Fait que lâchez-les les fusions. Puis lâchez-les les fusions. Lâchez-la la fusion. Fait que plus vous en avez pas de fusion. Elle vient, la fusion. Elle vient. Elle vient bien plus vite que vous pensez. Mais plus vous cherchez la fusion, moins elle vient vite. La fusion, c'est de la souffrance. C'est de la souffrance. On est décontaminé spirituellement. On est décontaminé spirituellement. Quand je dis que ce qu'on a de besoin sur la terre, c'est de l'intelligence et de la volonté. Il y a assez qui nous enlèvent nos passions, qui font partie de notre conscience égoïque, sont obligés de nous remplir avec d'autres choses. Quand t'as plus de passion, Charlie, puis t'as plus rien au niveau de ton astralité, puis t'as plus rien au niveau de ton esprit inférieur pour te supporter, pour te donner le goût de la vie, faut qu'ils te donnent d'autres choses, eux autres. Ah, c'est ça de l'intelligence. Puis de la volonté. Ça remplit ton vide, puis avec ça, ben tu fais ce que tu veux. Tu t'organises ta vie comme tu veux. Là, t'es bien. Il y a des gens qui évoluent bien lentement, mais il y a des gens qui évoluent vite. Ça, tu n'y peux rien là-dedans. Parce que quand même, tu dis à quelqu'un, mais oui, c'est le même. C'est long. Mais à un certain moment, il va se faire une séparation dans ce monde-là. C'est inévitable. Il y a un certain moment, il y a une séparation qui va se faire parce qu'il y a des gens qui pourront pas. Il y a des gens qui pourront pas suivre le rythme de pénétration de l'énergie. Ils ne pourront pas. Il y a des choses dans le processus de l'initiation solaire que l'homme doit être capable de dépasser à tout prix. Et ces choses-là, ce sont des choses qui sont liées à toutes les formes quelconques de passion, que ce soit une passion spirituelle, une passion de l'esprit, une passion qui fait partie de la passion spirituelle, ou une passion égoïque, égocentrique. Tout ça doit être dépassé dans l'homme. Il est évident que les hommes n'ont pas toute la capacité de dépasser ce qui est passionnel en eux, au même rythme. Fait qu'éventuellement, il y a des connaissances qui vont être données à l'homme, qui vont troubler automatiquement son esprit, puis c'est là qu'il va se faire une séparation, parce que les hommes qui sont dans la passion de l'esprit ne pourront pas absorber ça. Parce que la passion de l'esprit est trop forte pour eux autres. Ils cherchent trop à s'accrocher à des choses qui font partie de leur mémoire. Puis à un certain moment, le point va être très clair et très net devant eux qui sont obligés d'aller au-delà de ça. Puis à ce moment-là, ce point-là, il est vibratoire, il n'est plus psychologique. Il n'est plus psychologique, il est vibratoire. Il y a bien des étapes dans l'initiation solaire que vous allez vivre au fur et à mesure que le temps va avancer. Puis ces étapes-là, vous les connaisserez. Vous ne les connaîtrez pas tant que le temps ne sera pas avancé. Même si vous pensez aujourd'hui que vous comprenez des choses, vous allez réaliser un jour que ce que vous comprenez aujourd'hui, c'est qu'il n'y a rien à faire avec ce que vous allez savoir tout à l'heure. Parce que moi, quand vous venez me voir, vous me dites « je comprends ça », vous ne comprenez rien parce qu'il n'y a rien à comprendre. Il n'y a absolument rien à comprendre dans la conscience cosmique. Parce que comprendre quelque chose, ça fait partie de la passion de l'esprit. On apprend mieux à comprendre. Vous apprenez à mieux vous réaliser dans votre esprit pour éventuellement en sortir. Une différence. Puis quand tu commences à sortir de ton esprit, c'est là que tu commences à souffrir de la destruction des passions par le rayon en toi. Puis c'est là que tu commences à vivre le vide. Le gros vide. Parce que il y aura tout. Tant que l'homme a un ego, il y a toujours quelque chose en lui. Tant que l'homme a un ego, il y a toujours quelque chose en lui qui le tient lié à la terre. qui est là. Le point. Aussitôt qu'il y a un lien entre l'homme et la Terre, autrement dit, les conditions planétaires de l'homme, il ne peut pas y avoir de fusion. Ça veut dire qu'un jour, dans l'avenir, vous allez être obligé de vivre le vide total. C'est-à-dire la destruction totale de la passion en vous. Puis quand je parle de la passion, moi j'en parle d'une façon pas seulement psychologique, ou au niveau de l'esprit, ou au niveau de l'émotion. J'en parle au niveau vibratoire aussi. Quand vous dites que vous comprenez, c'est que il n'y a pas en vous d'esprit qui retarde la vibration du rayon en vous. Vous autres, quand je vous parle, là, je vous parle. Ça rentre. C'est parce qu'il n'y a pas d'esprit en vous qui bloque la vibration du rayon. Mais ça ne veut pas dire que vous comprenez. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'esprit qui bloque la vibration du rayon. C'est comme ça que vous l'interprétez, c'est comme ça que vous vivez. Mais ce que je veux vous dire, moi, c'est que le rayon, un jour, va vous amener à ne faire expérience que de lui-même. Et à ce moment-là, votre esprit qui aujourd'hui comprend parce qu'il ne bloque pas le rayon, à ce moment-là, votre esprit va sauter. Il va sauter. Parce que dans l'esprit, il y a de la passion. Comprenez-vous, vous dites? Qui est lié avec l'ego. Qui est lié avec l'ego. Qui fait partie de la partie mentale de l'ego. Puis là, je pourrais vous en donner un exemple, mais je ne peux pas vous en donner un exemple parce que si je vous donne un exemple, ça ne va pas vous créer un choc parce que vous allez interpréter l'exemple que je veux vous donner. Comprenez-vous vous dire? Quand l'homme vit en relation avec le rayon, il ne peut plus y avoir de passion en lui. Et comme tous les hommes ont un peu de passion en eux, à un niveau quelconque, un jour dans le temps, le rayon doit détruire même ce lien-là pour que l'homme passe d'un plan à l'autre. Alors, en attendant, vous êtes préparé petit à petit, pour être capable plus tard de subir ce choc-là, d'être capable de la vivre, cette expérience-là, parce qu'à ce moment-là, votre émotionnel et votre mental sera suffisamment dégagé de la forme pour permettre que le rayon fasse la dernière coupure avec votre nature humaine. C'est ça qui vous donnera la nature de l'homme, l'homme supramental, de l'homme de demain. Puis c'est ça la fusion. Mais tu peux pas être fusionné puis pas être fusionné. On lit tard, hein, pour faire des... Ah, ben c'est évident qu'on lit fort, puis c'est normal, puis je comprends. Mais ça, c'est parce que vous n'êtes pas fusionné que vous êtes capable de lutter fort. Mais si vous étiez fusionné, vous ne pourriez pas lutter. Fait qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui se passerait? Eux autres créeraient des formes dans vous que vous seriez obligé de vivre pour la transmutation des corps, et ainsi de suite, pendant tant de temps. Jusqu'à temps que vous soyez suffisamment dans l'intelligence et la volonté pour détruire ça. C'est ça, à ce moment-là, que vous pouvez bénéficier de la fusion. Moi, j'en bénéficie aujourd'hui de la fusion, mais je n'ai pas toujours bénéficié. Aujourd'hui, j'en bénéficie. Mais je n'ai pas toujours bénéficié. J'ai pas commencé à parler encore. Parce que vous autres, vous voyez l'homme comme étant un être qui est suffisamment complexe, qui est suffisamment simple. Vous considérez l'homme comme étant un être qui peut comprendre certaines choses. Vous considérez l'homme comme étant un être qui peut être mis sur une certaine traque pour évoluer. Mais... Ouais. C'est ça. Mais je vous assure qu'un jour, vous allez réaliser que l'homme est un être qui doit fonctionner vibratoirement seulement. Pis c'est là que tu réalises jusqu'à quel point tu es capable de subir la fusion. Jusqu'à quel point tu as des limites, tu as un plafond. Moi, j'ai une femme qui a vécu l'initiation solaire avec moi pendant 7 ans de temps, puis elle est très mentale, et ainsi de suite, puis elle a encore un plafond, puis elle va avoir le plafond tant qu'elle ne passera pas de l'autre bord. Puis elle a un plafond. Gisèle Lipsin en a un plafond. Pis c'est des gens qui ont vécu avec moi pendant des années de temps qui ont un plafond. Puis il y a d'autres personnes que je connais qui ont des plafonds. Le seul moment où l'homme n'a plus de plafond, c'est quand il est fusionné. C'est là qu'il devient multidimensionnel. Alors, c'est ça que je dis. C'est pas la fusion qui est importante. C'est d'être suffisamment intelligent, suffisamment volontaire pour pouvoir organiser ta vie selon ce que tu veux vibratoirement. C'est ça qui compte pour l'homme. Pas fusion. C'est là qu'il pourrait juste la vie. Ça fait partie du pouvoir sur ta vie. Ça, c'est une chose que toi, tu comprends. Plus que ta femme ou plus que tes enfants. Hein? Ouais, c'est parce que tu fais pour. C'est ça. Ça, c'est le côté de ta vie que les gens ne connaissent pas. On parle d'intelligence et d'intelligence. L'intelligence, tu n'as pas besoin d'être un grand parleur et un grand faiseur en public pour avoir de l'intelligence. Tu peux être dans ton intelligence, colorée à toi, selon ton tempérament et ton caractère, puis être dans ton intelligence. Puis Bernard Labelle, il est dans son intelligence. Il ne va pas vous parler comme moi, mais ce qu'il va vous dire, c'est ça. Plus tu avances, plus ton intelligence, elle se raffine, passe à la fine, passe à la fine, passe à la fine, passe à la fine, passe à la fine, passe à la fine, passe à la fine. Il faut que les gens rentrent dans leur intelligence. Puis quand tu rentres dans ton intelligence, tu n'es plus intéressé à vivre selon le mode de tes passions. T'es rien qu'intéressé à vivre, point final. La paix. Mmh. Oui. C'est ça. Et chacun, on peut se sentir qu'on a le droit, mais pas avoir de pouvoir. Pas encore. Ah, on n'a pas besoin de pouvoir. On a besoin d'intelligence et de volonté. L'intelligence et la volonté font partie du pouvoir. L'intelligence et la volonté qu'on a sur le plan matériel, c'est une petite partie du pouvoir. Ça ne va pas vous donner le pouvoir. Qu'est-ce que vous allez faire avec le pouvoir? Il faut qu'il serve le pouvoir. Quand ils vous donneront le pouvoir, c'est parce que ça servira. Mais l'intelligence réelle et la volonté réelle, c'est une petite partie du pouvoir. C'est un pouvoir de votre propre esprit sur les conditions environnementales de votre vie sociale. Parce que quand tu vis en société, puis t'es éduqué en société, puis t'as baisé le cul de tout le monde pendant des années de temps, puis qu'un jour t'en arrives à être centrique, c'est que ça commence à être pas mal du pouvoir. C'est un petit peu du pouvoir. C'est un petit peu du pouvoir de l'homme, de l'intelligence dans l'homme, de la volonté dans l'homme. C'est du pouvoir. Allez pas loin, le pouvoir. Je n'ai pas réalisé ce que tu dis, Bernard, que tu as l'émotion dans l'émotion se transmute avec le temps, puis au fur... C'est-à-dire que l'émotion, vous aurez toujours un peu d'émotion parce que vous aurez toujours un plafond tant que vous ne serez pas fusionné. Mais vous serez suffisamment conscient de ce qui est en vous émotif pour pouvoir aller au-delà d'eux. Il y aurait toujours de l'intelligence qui éclairera votre émotion. C'est ça qui est arrivé avec toi depuis des mois. C'est que ton intelligence, tu commences à avoir dans l'émotion, puis tu commences à voir dans l'émotion, puis tu commences à avoir dans l'émotion. Puis le plus drôle, c'est que ça, ça a tout changé ta personnalité, de sorte qu'aujourd'hui, tu as l'air plus jeune que tu avais quand je t'ai rencontré. Tu es plus calme, tu es moins mémé, tu es moins insécure, tu es moins... tu parles moins pour rien. Ah, mais j'ai le salaire, t'as pas me tomber encore sur le dos. Je t'attends. Bon. Mais tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça que je parle pas. Non, non, ben, non, non, non. Mais tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Je suis pas. Je suis pas. Je suis pas. Je suis pas. Je suis pas. Je suis pas. Je suis Naturellement, tu peux sentir par toi-même comment est-ce que tu changes, comment ça a changé. Mais. Je n'ai pas encore assez changé. Hein? On change constamment, papa aux filles. Constamment, on change. Mais ce que tu as changé, ce que tu as vécu dans, je sais pas, dans quelques mois, il y a des gens qui ne vivent pas dans leur vie, ça. Comme des enfants, on voit un gros gâteau, on met un petit morceau pour on le prend tout le reste. Ouais, c'est, on a des gros appétits. Comme toi, t'en as des affaires à apprendre, mais t'es énuméré. D'abord, il faut que tu comprennes deux choses fondamentales qui sont liées à ton évolution émotive et mentale. Faut que t'en arrives à ne plus t'inquiéter de toi-même. À vivre ton toi-même. Arrêtez de le mesurer ton toi-même puis de peser ton toi-même, rien qu'à le vivre ton toi-même. Quand tu vas pouvoir le faire, ça, automatiquement, tu vas te dégager émotivement de ton toi-même, puis tu vas rentrer dans l'intelligence de ton toi-même. Autrement dit, tu vas en arriver à pouvoir t'apprécier. Parce que toi, tu t'es jamais apprécié, mais tu t'es créé dans ta vie au niveau de ton mental une sorte d'intelligence secondaire qui t'a permis de développer une sorte de fierté. Puis cette sorte de fierté-là, c'est comme des lentilles, là. Puis tu regardes les choses à travers de ça, et ce que tu regardes, ça peut te donner de la joie ou de la peine ou du plaisir ou quoi que ce soit. Mais tu as une autre intelligence en toi. Puis c'est cette intelligence-là qu'il faut que tu vives. Puis tu vas la vivre, puis tu vas la saisir, cette intelligence-là, quand tu vas arrêter de t'occuper de toi-même, de t'inquiéter de toi-même. Parce que toi, tu peux pas te voir comme que t'es. Moi, je peux te voir comme que t'es, mais toi, tu peux pas te voir comme que t'es. Toi, tu peux pas te voir avec tes qualités. Tu peux pas te voir avec ta lumière parce que vous avez pas votre vision interne. Tandis que moi, je peux la voir, ta lumière. Je peux la mesurer vibratoirement, ta lumière. Mais un autre côté, je peux voir les aspects en toi qui bloquent que tu vibres de cette lumière-là et que tu puisses ressentir l'intelligence de cette lumière-là. Faut que tu en arrives à ressentir l'intelligence de ta lumière. Puis quand tu vas ressentir l'intelligence de ta lumière, là, tu vas commencer à être un petit peu plus dégagé, un petit peu plus relax, un petit peu moins nerveux dans ton émotion, parce que c'est dans ton émotion que tu es nerveux. Puis là, tu vas commencer à respirer. Ça, c'est un pattern. Alors, chacun de vous autres, vous ne voyez pas votre lumière parce que vous ne vous appréciez pas. J'essaie de vous amener un jour à être suffisamment objectif devant vous-même pour pouvoir vous apprécier. La belle, il s'apprécie. Sacrement, s'il y a un gars qui s'apprécie, c'est bien lui. Heureusement qu'il est conscient, ça sera trop. Daniel Ménard s'apprécie. Croto, il s'apprécie pas trop encore parce qu'il est trop... Croto, c'est un homme qui a un petit peu trop encore de naïveté dans l'intelligence. Il y a de la naïveté dans l'intelligence, Croto. Fait que ça l'empêche de s'apprécier. Elle s'apprécie. Elle commence à s'apprécier à petit. Elle s'apprécie un petit peu trop. Ça va se tasser avec le temps. Alors, l'appréciation, c'est un phénomène dans l'homme qui permet à l'homme de se mesurer vibratoirement en relation avec lui-même. Seulement que plus l'appréciation est fixée dans l'intelligence supérieure, et moins elle est colorée par l'émotif ou le mental inférieur, mais plus l'appréciation est juste. Moi, je m'apprécie dans moi-même, quelque part. Je m'apprécie. Je sais pas comment, mais je sais que je m'apprécie. Je suis bien dans ma peau. Quand t'es bien dans ta peau, tu t'apprécies. C'est un self-appreciation. Mais seulement, faut pas que ça déteigne. Faut que ça soit précis. Elle, là, dans le coin, elle a la capacité de s'apprécier. Mais elle, encore, son appréciation n'est pas ajustée encore. Parce qu'il y a encore de l'émotivité. Il y a encore trop d'émotivité. C'est un signe d'intelligence, s'apprécier. Il faut s'apprécier. Il y a des gens qui se déprécient. Comment est-ce que tu veux rentrer à ton intelligence si tu te déprécies? Elle commence à comprendre ça. Elle l'avait pas avant. Elle a fait d'overtime complètement, pas l'overtime, une somersault complète. Elle. Faut en arriver à s'apprécier, parce que s'apprécier, c'est la qualité qu'on a de notre intelligence qui nous permet de voir ce qu'on fait selon le rayon en nous. C'est ça, s'apprécier. Mais tant que c'est pas ajusté à cause de notre mental et de notre émotionnel, ben, on s'apprécie pas justement. On s'apprécie un petit peu trop ou on s'apprécie un petit peu moins. Faut s'apprécier précisément. Puis quand tu t'apprécies précisément, tu es précisément dans l'intelligence. Puis quand tu es précisément dans l'intelligence, mais tu parles à l'homme, tu tombes à poil tout le temps. Tu manques de comment? Lui s'apprécie seulement que son appréciation n'est pas encore suffisamment. Son appréciation n'est pas encore suffisamment désengagée de son esprit. De sorte qu'ayant un esprit fort, ayant un bel esprit, l'appréciation, qui est la manifestation et la perception de l'intelligence du rayon en lui, est colorée par le fait qu'il a un bel esprit. Mais quand son esprit va être dépouillé de la passion de l'esprit, son appréciation va être précise et son intelligence va être précise. C'est bien, ça marche. C'est pour ça que dans l'éducation de nos enfants, il faut qu'on amène nos enfants à s'apprécier. Puis ça commence en leur donnant le respect à nos enfants. Respecter leur personnalité. C'est toi qui dis tout le temps, nos enfants, ce sont des petits adultes. Fait qu'évidemment, les enfants, éventuellement, ils s'apprécient. Ils se sentent intelligents, ils se sentent ça. Puis avec les années, ça s'ajuste. Puis éventuellement, rendu à 18, 19 ans, bon, c'est des êtres conscients qui peuvent, au lieu de commencer à 50 ans comme nous autres, qui peuvent commencer à vivre comme du monde. Puis dans leur temps, eux autres, ça va être essentiel en maudit qu'ils vivent comme du monde. Parce que ça va barder dans l'heure. C'est un ménard qui commence à donner des cours à du monde, qui commence à faire réaliser au monde la nature de leur personnalité pour que les gens en arrivent éventuellement à pouvoir apprécier les autres. Parce qu'il faut que tu apprécies les autres avant de pouvoir t'apprécier. Si tu n'apprécies pas les autres, tu ne peux pas t'apprécier. Ça, c'est encore une continuité de cette affaire-là sur l'appréciation. Faut que tu apprécies les autres pour pouvoir t'apprécier. Si tu n'apprécies pas les autres, tu ne peux pas t'apprécier. Parce que quand tu apprécies les autres, ça te permet de voir jusqu'à quel point les autres en relation avec toi-même sont grands ou petits. Fait qu'automatiquement, ça te permet de t'apprécier. Fait que c'est un beau travail, c'est une grande job, puis ça va se développer, puis ça va durer. Parce que vous ayez eu des petites vies en arrière, des petites familles, des petites éducations, ça n'a pas d'importance pour tout. Parce que quand tu rentres dans la conscience que tu as eu gros d'éducation ou pas gros d'éducation, ça n'a rien à faire avec ça. Il s'agit que tu sentes en toi le rayon, et pour que tu sentes le rayon, mais il faut que tu perdes la passion de ton esprit et la passion de ton émotion. Là, tu commences à sentir le rayon. Autrement dit, les formes qui font partie de votre mémoire. Fait qu'automatiquement, vous commencez à rentrer dans votre intelligence, puis à vous apprécier, puis à vivre comme du monde. Lui, c'en est un qui commence à s'apprécier. Puis c'est comique parce qu'il y a une belle intelligence qui traîne. Lui, il traîne son intelligence comme une queue depuis des années de temps. Il n'a jamais réussi à apprendre à pogner sa queue, là, puis la regarder. Là, il commence à la regarder, puis à l'apprécier, son intelligence. Ris pas, Grotto. C'est phénoménal, l'homme. Moi, j'essaie de vous transposer comment est-ce que c'est phénoménal, l'homme. Mais l'homme, il devient de plus en plus phénoménal au fur et à mesure qu'il devient de moins en moins conscient de lui-même au niveau de l'ego. Parce qu'il devient, de plus en plus un canal. C'est phénoménal, l'homme. Et la phénoménologie de l'homme, quand elle est conscientisée, elle résulte dans la canalisation de l'énergie du rayon. Fait qu'à ce moment-là, le gars, il est plus pogné avec lui-même. Il sert simplement à canaliser cette énergie-là, à vivre de cette énergie-là d'une façon parfaite. Dans le fond, l'homme conscient de la sixième race n'est pas différent de l'homme inconscient de la cinquième race. La seule chose, c'est qu'il fait plus parfaitement, il remplit plus parfaitement sa fonction que l'homme de la cinquième race. C'est la seule différence. Tranquille. T'as-tu du bon sens, ça? T'as ce qu'on prend, tu? L'appréciation de soi-même, c'est un mot, Jean-Toi. L'appréciation de soi-même, c'est quand t'es conscient. L'appréciation de soi-même ne peut pas être orgueilleuse parce que l'appréciation de soi-même, quand tu te conscientises, c'est la réalisation que tu es dans l'intelligence. Quand tu es dans l'intelligence du rayon, tu vis appréciativement de toi-même. Tu es bien dans ta peau. C'est ni en plus, puis ni en moins. C'est ni ça, puis ni ça. T'es sûr d'être sûr? Dans le fond, s'apprécier soi-même quand on est conscient, c'est apprécier le fait qu'en tant qu'être biologique et pensant, on est en harmonie avec les lois de la lumière. Et c'est ça, s'apprécier soi-même. T'es bien dans ta peau. Comprends-tu? Mais il y en a qui vivent de l'intérieur d'eux-mêmes et qui s'apprécient aussi. Oh, faut pas vivre de l'intérieur de soi-même jamais. Faut vivre de Non, faut vivre de l'extérieur de l'intérieur. Oui. C'est ça qu'elle veut distinguer. Faut vivre. OK, c'est un point que j'ai fait de te faire, me le ramener. Faut en arriver à vivre de l'extérieur de l'intérieur pour canaliser cette énergie-là vers l'extérieur. Les gens s'imaginent qu'ils ont un extérieur puis un intérieur. Il y en a qui vivent à l'extérieur, les matérialistes, il y en a qui vivent à l'intérieur, les spiritueux. Mais il y a une autre couche à ça, qui est le rayon, qui est l'extérieur à l'intérieur, puis on arrive à vivre de l'extérieur de l'intérieur, et ça, c'est canalisé vers l'extérieur, de là. Fait quand tu vis de l'extérieur de ton intérieur, tu apprécies ton être, tu apprécies ta vie, tu apprécies ta conscience, tu apprécies la conscience, tu apprécies tout ce qui est, à quelque niveau que ce soit, puis à ce moment-là, t'es bien dans ta peau. Mais si vous vivez de l'intérieur, vous allez toujours être pogné dans la passion spirituelle, dans la passion d'être vertueux, dans la passion d'être bon, dans la passion d'être bonasse, puis vous n'allez jamais dans l'intelligence et la volonté. C'est pour ça que la spiritualité, depuis qu'elle règne sur la terre, les hommes sont devenus pauvres en esprit. Comment distinguer entre la passion de son intérieur et l'appréciation de l'extérieur de l'intérieur? Quand tu vis de l'intérieur, tu vis dans la passion de toi-même. Quand tu vis de l'intérieur à l'extérieur ou de l'intérieur de l'extérieur à ce moment, de l'extérieur de l'intérieur, tu ne vis plus dans la passion parce que tu vis dans l'intelligence du rayon. Quand tu vis dans l'intelligence du rayon, tu n'es jamais toi-même. Tu es toujours une manifestation du rayon. Être soi-même, c'est vivre de l'intérieur. Mais être... Quand tu vis du rayon, tu n'es plus toi-même. Tu es une expression du rayon sur un plan quelconque. C'est sur le plan matériel, mais tu t'appelles Bernard à Montréal. Si tu es dans un autre plan, tu t'appelles d'autres choses. Donc, à ce moment-là, aussitôt que tu vis du rayon, que tu vis de l'extérieur de ton intérieur, à ce moment-là, tu vibres constamment dans le mental supérieur et les corps inférieurs, le mental inférieur, l'émotionnel inférieur et le corps vital subissent cette impression-là, cette énergie-là qui domine toute ta vie. Fait que là, t'es bien, t'as plus de problèmes psychologiques, t'as plus de problèmes philosophiques, t'as plus de problèmes spirituels, t'en as plus de problèmes. Puis s'il y a des conditions extérieures qui te créent des contraintes, à ce moment-là, t'as assez de volonté et d'intelligence de mettre l'âge dedans pour t'organiser, pour vivre ta vie selon le mode que toi, tu veux bien la vivre, parce que c'est ta vibration. C'est même. Si la personne n'est pas fusionnée, qu'elle a un certain niveau d'ego, si si on dit que c'est précis, c'est qu'elle c'est précis dans la juste mesure de son intelligence. C'est ça. Si la personne n'est pas fusionnée, qu'elle a un certain égo, elle s'apprécie dans la juste mesure de son intelligence, et son appréciation à cause de son niveau de conscience est une appréciation qui convient à son intelligence, mais qui ne convient pas à elle-même. Ça convient à son intelligence, ça convient à une personne comme ça. Tu n'as pas besoin d'être fusionné pour savoir que le rayon est en toi. Donc, aussitôt que tu t'apprécies, que tu apprécies ton intelligence et ta volonté, qui deviennent les principes dont tu te sers pour vivre, mais automatiquement, tu l'apprécies ta vie. Tu t'apprécies. Tu ne t'apprécies pas égoïquement. Puis tu t'apprécies en tant que canard. Tu es bien. Il n'y a plus d'orgueil, il n'y a plus de vanité à ce moment-là. OK. Ouais. Est-ce que se faire d'orgueil, tu peux craindre de mal t'apprécier? Si, l'autre, il dit, si tu te fais d'orgueil, tu as peur de mal t'apprécier. C'est un point important. Si vous avez souffert d'orgueil, ça faisait partie de votre expérience. Fait que, occupez-vous-en plus. Tu peux pas vivre dans ta mémoire. Faut que tu vives dans le moment présent.